quelque temps déjà, je me suis rendu compte que dès mon plus jeune âge, j'avais pris pour vrai beaucoup d'opinions fausses, et que tout ce que j'ai appris par la suite était incertain. Par conséquent, si je désirais bâtir un jour quelque chose de solide et de durable dans les sciences, je devais tout détruire complètement une bonne fois, et tout recommencer à nouveau, à partir des premières fondations. Mais ce travail me paraissant considérable, j'ai attendu de parvenir à un âge convenable, où aucun autre ensuite ne puisse me rendre plus apte à l'entreprendre. C'est ainsi qu'après avoir tant tardé, je me sentirais coupable si j'employais encore à délibérer le temps qu'il me reste pour agir. Et aujourd'hui, puisque mon esprit est délivré de tout souci et que je me suis préparé un paisible repos dans une retraite solitaire, c'est avec sérieux et disponibilité que je me consacrerai enfin à renverser l'ensemble de mes anciennes opinions. Cependant, il ne sera pas nécessaire pour atteindre ce but de montrer qu'elles sont toutes fausses, ce que peut-être je ne pourrai jamais mener à bien. Mais comme la raison me dit qu'il ne faut pas moins s'interdire de croire ce qui n'est pas certain et indiscutable que ce qui est évidemment faux, alors, dès que je trouverai le moindre motif de douter, cela suffira pour tout rejeter. Pour cela, nul besoin de tout examiner au cas par cas. Cela demanderait un travail infini. Mais puisque la destruction des fondations entraîne nécessairement avec elle tout le reste de l'édifice, je m'attaquerai d'abord aux principes sur lesquels toutes mes anciennes croyances étaient appuyées. Jusqu'à ce jour, tout ce que j'ai admis comme étant le plus vrai, je l'ai reçu des sens ou par les sens. Cependant, ceux-ci m'ont parfois induit en erreur, et il est prudent de ne jamais se fier totalement à ceux qui nous ont trompés une première fois. En acceptant que les sens nous trompent quelquefois, à propos de ce qui est peu sensible et très éloigné, il y a peut-être beaucoup d'autres choses dont il est tout à fait impossible de douter bien qu'elles proviennent des sens. Comme maintenant, le fait que je sois ici, assis au coin du feu, habillé en robe de chambre, tenant ce papier entre mes mains et autres faits du même genre. Comment peut-on raisonnablement nier que ces mains et ce corps sont à moi ? Peut-être alors que je me compare à certains malades, dont le cerveau est tellement troublé par les vapeurs tenaces de la bile noire, qu'ils se prennent pour des rois alors qu'ils sont miséreux, qu'ils se croient vêtus de pourpre alors qu'ils sont tout nus, qu'ils croient avoir la tête en terre cuite ou être des cruches, ou encore avoir un corps de verre. Mais ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant si je me conformais à leurs exemples. Comme tout serait clair si je n'étais pas un homme, avec l'habitude de dormir et de m'imaginer en rêve les mêmes choses, et parfois de moins vraisemblables que se représentent les fous lorsqu'ils veillent. Combien de fois m'est-il arrivé la nuit de rêver que j'étais ici, habillé au coin du feu alors que j'étais tout nu dans mon lit? Or, maintenant, il n'y a pas de doute. Je regarde ce papier avec les yeux éveillés. Cette tête que je remue n'est pas endormie. J'étends ma main de mon plein gré et je la sens. Ce qui arrive en dormant ne semble pas aussi distinct que tout ceci. Il n'est pas facile de me souvenir d'avoir été trompé dans mon sommeil par des pensées identiques. Mais quand j'y prête attention, je suis stupéfait de voir clairement qu'il n'y a aucun indice certain qui puisse distinguer la veille du sommeil. Et cette stupéfaction est telle que je ne suis pas loin de croire que je dors. Supposons maintenant que nous sommes endormis, et que le fait d'ouvrir les yeux, de bouger la tête, d'étendre les mains, d'avoir telle main et tel corps, bref, supposons que tout cela ne soit pas réel. Reconnaissons cependant que ce qui est représenté pendant le sommeil est comme un tableau ou une peinture, qui ne peuvent être formés qu'à partir de quelque chose de réel. Ainsi, au minimum, toutes ces choses générales, les yeux, la tête, les mains et tout le reste, ne sont pas imaginaires mais existent vraiment. En effet, les peintres, lorsqu'ils s'efforcent de représenter des sirènes et des satyres par des formes bizarres et extraordinaires, ne peuvent leur donner des formes et des natures totalement nouvelles. Ils font seulement un certain mélange, une composition à partir des membres de différents animaux. Même si leur imagination est assez folle pour inventer quelque chose de si nouveau que nous n'ayons rien vu de pareil et que leur œuvre nous représente une chose absolument irréelle et totalement chimérique, au moins les couleurs qui la composent doivent être véritables. Et pour la même raison, bien que ces choses générales, à savoir des yeux, une tête, des mains et autres choses semblables, puissent être imaginaires, il faut nécessairement avouer que les choses qui résident dans notre pensée, qu'elles soient vraies ou fausses, sont formées à partir d'autres encore plus simples et plus universelles qui sont vraies comme le sont les couleurs. Il appartient à ce genre de choses, la nature corporelle en général et son étendue, avec les figures des choses étendues, leur quantité ou leur grandeur et leur nombre, le lieu où elles se trouvent, le temps qui mesure leur durée et autres choses semblables. C'est pourquoi peut-être nous pouvons correctement conclure de ceci que la physique, l'astronomie, la médecine et toutes les autres sciences qui dépendent de la considération des choses composées sont incertaines. Au contraire, l'arithmétique, la géométrie et les autres sciences de même nature contiennent quelque chose de certain et d'indubitable car elles ne traitent que de choses très simples et très générales sans s'embarrasser de savoir si ces choses sont ou non dans la nature. Car, que je sois réveillé ou que je dorme, 2 plus 3 feront toujours 5, et le carré n'aura jamais plus de 4 côtés. Il ne paraît pas possible que des vérités si limpides puissent être soupçonnées de fausseté. Cependant, cela fait longtemps que je tiens enraciné dans mon esprit l'opinion qu'il existe un Dieu tout-puissant, par qui j'ai été créé tel que je suis. Comment savoir s'il n'a pas fait qu'il n'y ait aucune terre, aucun corps étendu, aucune figure, aucune grandeur, aucun lieu, et que néanmoins, toutes ces choses ne me semblent jamais exister autrement. Et même, comme je juge parfois que les autres se trompent, même dans ce qu'ils pensent connaître avec le plus de certitude, il est possible qu'il ait voulu que je me trompe toutes les fois que j'additionne 2 et 3, ou que je compte les côtés d'un carré, ou que je juge de choses encore plus faciles, si l'on peut imaginer plus facile que cela. Mais peut-être que Dieu n'a pas voulu que je fusse déçu de la sorte, car on le dit suprêmement bon. Toutefois, si cela répugnait à sa bonté de m'avoir créé tel que je me trompasse toujours, de la même façon, il semblerait lui être contraire de permettre que je me trompe de temps en temps, ce qui est en dernier lieu impossible à affirmer. Il y aura peut-être ici des gens qui préféreront nier l'existence d'un Dieu si puissant plutôt que de croire toutes les autres choses incertaines. Mais ne les contredisons pas pour l'instant, et supposons en leur faveur que tout ce qui est dit ici d'un dieu soit une fable. Toutefois, quelle que soit leur hypothèse sur la façon par laquelle je suis parvenu à ce que je suis, que ce soit le destin, le hasard ou un enchaînement continu des choses, puisque faillir et se tromper semble être une espèce d'imperfection, il est certain que moins sera puissant ce qu'ils attribuent à mon origine, plus il sera probable que je sois tellement imparfait que je me trompe toujours. Je n'ai rien à répondre à ces arguments, mais je suis contraint d'avouer que, de toutes les opinions que j'avais crues vraies autrefois, il n'y en a pas une dont je ne puisse maintenant douter, non par étourderie ou légèreté, mais pour des raisons solides et réfléchies. C'est pour cela qu'il faut, si je souhaite découvrir quelque chose de certain, suspendre aussitôt mon jugement sur ces pensées, et que je ne m'y fie pas plus qu'à ce qui serait bien évidemment faux. Mais il ne suffit pas d'avoir remarqué cela, il faut prendre soin de s'en souvenir, car ces opinions banales se présentent continuellement à ma pensée. Le commerce long et familier qu'elles ont eu avec moi leur donne le droit, bien malgré moi, de se rendre presque maîtresse de mon assentiment. Et je ne perdrai jamais l'habitude d'y acquiescer et d'être crédule envers elles tant que je les considérerai telles qu'elles sont en effet. C'est-à-dire douteuse sous bien des aspects comme je viens de le montrer, et pourtant fort probable, de sorte qu'il y a beaucoup plus de raisons de les croire que de les nier. C'est pourquoi, à mon avis, je n'avancerai pas plus mal si, par une voie contraire, je me trompe volontairement moi-même en faisant semblant, pendant un moment, de croire que toutes ces pensées sont fausses et imaginaires. Cela, jusqu'à ce que, ayant tant pesé mes préjugés qu'ils ne puissent plus m'influencer d'un côté ou de l'autre, mon jugement ne soit plus désormais dirigé par de mauvaises habitudes et détourné du droit chemin qui mène à la connaissance de la vérité. Car je suis sûr qu'il n'y aura ni danger ni erreur sur cette voie. Et aujourd'hui, je prends peu de risques à concéder à ma suspicion, puisque je ne m'occupe pas maintenant d'agir, mais de connaître. Je supposerai donc qu'il n'existe pas de Dieu parfait qui serait source de vérité, mais un certain mauvais génie, aussi rusé que puissant, qui a employé tout son zèle à me tromper. Je supposerai que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les formes, les sons et toutes les choses extérieures ne sont que les illusions d'un rêve faites pour piéger ma crédulité. je me considérerais moi-même comme n'ayant ni mains, ni yeux, ni chair, ni sang, comme n'ayant aucune sensation, mais croyant par erreur avoir tout cela. Je resterai obstinément attaché à cette pensée, et si par ce moyen je n'ai pas le pouvoir de connaître quelque vérité, j'ai au moins celui de ne rien accepter de faux et de ne pas être trompé. Si grande que soit la puissance et la ruse que ce grand trompeur puisse utiliser, je me tiendrai ainsi sur mes gardes, l'esprit ferme. Mais cette règle de conduite est dure à tenir, et dans la vie courante, une certaine paresse m'affaiblit. Alors, comme un esclave jouissant dans le sommeil d'une liberté imaginaire, et qui, quand il commence à soupçonner qu'il dort, a peur d'être réveillé et se complaît négligemment dans ses douces illusions, je retombe spontanément dans mes anciennes opinions. Et j'appréhende de me réveiller, de peur que les veilles laborieuses qui remplaceront cette douce rêverie, au lieu de conduire à quelque lumière et vérité, ne m'égarent dans les ténèbres des difficultés inextricables qui viennent d'être remuées.